Bonjour, bien bonsoir. Tout dépend à quelle heure vous écoutez cet audio. Il s'agit d'un audio de relaxation. Je vous propose de vous mettre dans votre lit, d'éteindre les lumières, de vous mettre dans la position la plus confortable possible. Prenez le temps de bien installer vos coussins, votre couverture et de mettre peut-être votre position dans la position idéale pour laquelle vous vous mettez en principe pour dormir. Détendez vos pieds. Détendez vos chevilles, détendez vos mollets, détendez votre jambe, vos jambes, détendez votre fessier, détendez votre bas du dos, détendez votre dos. Détendez vos épaules, détendez vos bras, vos mains, vos doigts, ainsi que votre cou et votre visage, le haut de votre crâne et votre mâchoire. Essayez de fermer les yeux. Si vous n'y parvenez pas pour le moment, ce n'est pas grave. Gardez les yeux ouverts. Essayez de fixer un point. Et dans quelques minutes, normalement, vos yeux devraient se fermer tout seuls. Vos yeux sont de plus en plus lourds. De plus en plus lourd. Il se peut que vous ressentiez des picotements. Essayez de fermer les yeux. Essayez de vous représenter dans un endroit de votre choix. Un endroit féerique. Vous vous sentez en sécurité. Ça peut être par n'importe où dans votre imaginaire. Pensez à de belles choses, aux gens que vous aimez, aux animaux que vous aimez, aux choses que vous aimez faire. Essayez de vous détendre un maximum. Restez calme et serein. Il se peut qu'il y ait des bruits dans cet audio ou bien dans votre environnement. Ces bruits sont des amis. Considérez-les comme des amis. Ils sont là uniquement pour vous bercer et vous endormir, vous rendre plus confortable devant le sommeil. Ils vous aideront de plus en plus à vous rentrer dans le sommeil et à vous endormir. dans cet endroit, maintenant, vous êtes bien. Vous vous sentez bien, en sécurité et en toute relaxation. Il n'y a pas de tracas, pas de soucis, pas de problèmes. Pour le moment, c'est votre moment. Vous devez vous reposer et oublier tout ce qui vous fait de la peine ou bien. Pensez à de belles choses. Pensez à l'amour. L'amour de vos proches. Il se peut que votre corps soit de plus en plus lourd. Vous ressentiez des picotements, des petits frissons, ou alors une légèreté. Chaque personne ressent des choses totalement différentes. Imaginez-vous pouvoir voir les étoiles. Observez-les. Représentez-les-vous. Il y a peut-être la lune, ou quelque part le soleil. Détendez-vous. Dormez maintenant. Essayez de vous endormir. Vous le savez sûrement, c'est un beau rêve. Un lieu que votre inconscient aura choisi pour vous. Demain, vous réveillerez en forme. Tout à l'heure, s'il s'agit d'une petite sieste. Détendez-vous. Relaxez-vous. Pensez uniquement à des belles choses. Des fleurs. La mer, la rivière, la forêt, ou tout autre endroit de votre choix. Si vous n'avez toujours pas fermé les yeux, essayez de les fermer. Il se peut que vous songiez à quelque chose. Songez à de belles choses. Il se peut que vous voyez des images. Des villes, des personnes. Dans cet endroit de votre choix, vous pouvez être seul, bien accompagné. Accompagné par qui vous le souhaitez. Détendez-vous. Vos paupières sont lourdes. De plus en plus lourdes. Vos bras sont lourds. Votre corps tout entier est très lourd. Et votre tête s'enfonce dans l'oreiller. Relaxez-vous, détendez-vous. Si vous êtes sur le point de vous endormir, que vous portez un des écouteurs ou bien un casque, je vous propose de l'enlever et de vous laisser plonger dans le sommeil. Je vais bientôt vous laisser et vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves. Détendez-vous bien. Demain, votre réveil, vous aurez de l'énergie, de la force pour affronter la journée qui vous attend. Mais pour le moment, dormez. Dormez maintenant.